j'ai allumé mon enregistreur. Il met rouge quand j'allume. Et puis, je prends le son. Là, on est sur le parvis du Théâtre des Arts à Rouen, où les musiciennes et des musiciennes et musiciens s'apprêtent à jouer un morceau depuis le parvis, dans le cadre de cette lutte contre la réforme des retraites. Qui est une banderole art anglaise sur laquelle il y a écrit plein de couleurs, on ne veut pas mourir sur scène. Une banderole qui chante. Une banderole CGT qui arrive, qui est en train d'être posée juste à côté. Une banderole travailler plus pour gagner moins. Là sur la place, un public mêlé de familles, de gens qui reviennent de la manif, de gilets jaunes, de syndicalistes, de personnes du collectif Art en Grève Rouen et de diverses personnes qui participent aux manifs. Donc là sur les 38 musiciens au total de l'orchestre, il y en a 25 quand même qui sont présentes sur cette action sur le parvis. Ça avance.